s'abandonne à l'unisson. Il donne tout pour la musique et il répète ses mots sans suite et sans logique, comme on dit des mots magiques. Tout pour la musique et il balance leur tête comme de vraies mécaniques, comme des piles électriques. Tout pour la musique et il tape dans leurs mains comme des doux hystériques, comme des fous fanatiques. Tout pour la musique. Comme les amours.